dans le rétro. Jaquette baignoire dans le 5 étoiles. J'essaie de m'écarter un peu du ghetto. Pour vous garantir l'on pas besoin que métal. Même quand je mets la capuche, ça me reconnaît. Que j'ai la casquette, la chapka ou le bonnet. J'ai le sang du soutien, je fais m'abonner. Et si on se croise, je fais klaxonner. Cet hiver camouflé, si je pars au ski. Je suis dans le 13, si je veux, je me barre au steak. Maman, elle est comme moi, elle s'en fout du short au ski. Elle me dit respecter, prends pas la grosse tête.